notre louange ira jusqu'à la fin de la terre pour annoncer que seul Jésus reste. Bonjour. Pour céder nos intimités, Seigneur. te célèbre. Tu feras lever au milieu de nous les merveilles d'une terre restaurée. Et l'écho de notre louange ira jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer que seul Jésus restaure. Bonsoir, Canada dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir, frère. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Je crois qu'avec cette merveilleuse musique que je vous ai servie, là, vous êtes au moins déjà dans la ligne, n'est-ce pas? Oui, frère. Mm-hmm. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. 1h40 Amen. Minutes ici à Douala, au Cameroun. Je crois 18h40 minutes, ou bien 19h40 minutes à Québec, à Montréal aussi, c'est ça? Oui, frère, 19h40. 19h40. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, frère. Je suis content d'être de vôtre ce soir. C'est votre soeur qui est dans les bras de mon frère là-bas derrière. Elle dort là-bas. Elle a décidé de dormir au salon avec moi aujourd'hui. Elle va bien, frère. Alors, où est la sœur Suzanne? Sœur Suzanne, bonsoir. Je crois que ton micro a des problèmes certainement. Ok. La sœur Karine, bonsoir. Oui, bonsoir mes frères. Voilà, son micro est ouvert maintenant, son micro est ouvert. Allô? Quoi? Oui, on t'entend, Saint Suzanne. La sœur Karine, ton micro ne donne pas non plus. Ton micro ne donne pas. Je crois que ton micro est fermé. Oui, comme. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. J'ai comme l'impression que les enfants ne dorment pas encore chez toi. Parce que j'ai entendu le bruit tout à l'heure en fond là. Bon, avec leur mère au fond. Je leur ai dit de ne pas venir me déranger. Oui, que c'est la commune avec le Seigneur maintenant. Que vous inspire la musique là que vous avez suivie tout à l'heure là. Que le Seigneur Jésus-Christ vient inscrire son nom dans les annales de la République. Et pour qu'il nous fasse sceller notre intimité avec lui. Qu'est-ce que ça vous dit, Seigneur Jésus qui est le soleil levant? Vous avez suivi ça, non? Canada dans la sainteté, bonsoir. Donc, vous voyez, effectivement, que malgré les occupations, toute la journée, on a travaillé et j'ai tenu à être avec vous. J'essaierai avec vous tant que le Seigneur le permettra. Amen. Je crois que la dernière fois, vous avez. C'est vous qui nous avez donné le titre en disant que toute femme qui est sexy est diabolique. Je ne sais pas de quoi on va parler ce soir-ci. Alors, si vous avez des questions, vous devez compter. La sœur de la Rouge, je suis devant le Seigneur avec toi parce que tu as des sérieux problèmes. Mais on va se rencontrer. On va se rencontrer. Ces problèmes seront résolus certainement. Très certainement. Amen, frère. Amen, frère. Amen. Seulement que Dieu donne l'ordre. Il ne sait pas comment il va diriger cette chose-là. Tu as des problèmes, ça va se résoudre. Ça doit se résoudre. Et amen. Ça va se résoudre. Amen. Amen. Amen. Amen. Je crois amen, que tu as tant crié au devant de lui, crié au devant de lui. Il a entendu tes cris. C'est seulement les cris qui peuvent faire à ce qu'on marche, d'accord? Amen, donc, frère. Dieu a entendu ta prière particulièrement. Il parle de toi particulièrement. Vous tous, vous n'en avez pas de reste. Donc, bougez pas la tête comme ça. Vous aussi, vous êtes parmi. On est content. On est content. Amen, frère. Amen, amen. Amen. Mais il y a des problèmes sérieux dans la famille. Le background est chargé. Il dit, parle par rapport à toi, ma soeur. Le background de la famille est chargé. C'est vrai. Donc, mais on va aller là-bas. C'est vrai, frère. La puissance de Dieu est disponible. C'est disponible. Amen. Amen, frère. Lorsque le problème est localisé, c'est résolu. Amen. Voilà, je suis à votre service ce soir. Si vous n'avez pas de questions, il y a un sujet qui me vient toujours dans l'esprit depuis. J'aimerais qu'on en parle. C'est à moins que vous ayez des questions. Si vous avez des questions, on répond aux questions. Puis on va dans les scènes d'écriture pour voir un sujet ce soir. Je suis à votre service. Je suis votre serviteur. Qu'est-ce que je fais? Et le jeûne, comment vous avez commencé le jeûne? Ça vous a menacé? C'est jusqu'à. Ça va aller, d'accord? Vous allez voir les bénéfices d'Isla. Vous allez voir des bénéfices. Alors, je suis à votre service. Qu'est-ce qu'on fait? On t'écoute. Peut-être la sœur Suzanne a la question parce qu'elle guette ses cahiers comme ça là. Elle fait peut-être des séries de questions. Ou bien c'est dit seulement que. ou bien je garde ceci quand il sera au Canada. Quand il sera au Canada, il veut le poser ceci. Ou bien. Exactement, je garde mes questions. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, vous me dites, je peux être dans les écritures, on voit un sujet ce soir. Comme vous êtes des femmes, toutes les femmes au foyer, ne doit pas vous garder pour longtemps. D'accord. Ouvrons le livre de Luc au chapitre 17, lisons quelques passages et puisse le Seigneur nous donner ce sujet-là. Permettez-moi de prendre ma Bible là. Voilà. J'espère que le froid n'est pas assez ardu là-bas pour vous traiter, n'est-ce pas? C'est trop, n'est-ce pas? C'est dur. Dur. C'est froid. Courage. Courage vraiment. Voilà. Ouvrons Luc au chapitre 17. Prenons un passage là. Donc, une personne va lire les trois premiers versets, l'autre lit les trois autres versets, et puis l'autre lit les trois autres versets, puis je conclue le dernier verset. Donc 3, 3, 3, 1. Assez carré, on y va, ça commence à passer là. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revient à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Amen. Je vais parler brièvement et bien plus qu'on pouvait entrer dans d'autres dimensions par rapport à ce thème. Je ne sais pas si vous me suivez, le son est clair et propre, il n'y a pas de décalage, n'est-ce pas? Oui, frère. Voilà, merci au Seigneur, parce que le premier jour, là, dans la première édition de Canada, de la Sainte-Éto, on avait des décalages avec des chutes, des fluctuations de la connexion. Je crois qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, ça va. Donc, je vais parler du thème, la réconciliation. La réconciliation, je veux qu'on en parle un instant, la réconciliation. C'est ce que le Seigneur m'a mis sur mon cœur pour vous parler pendant que je suis en train de prier. Ce soit la réconciliation. Maintenant, je relis et on voit quelque chose. Il y a quelque chose que je voudrais qu'on ressorte d'abord là-bas. On y parle avant de revenir par rapport au thème proprement dit. Verset 1 encore. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Ça veut dire on ne peut pas éviter des scandales. Des scandales, il y en aura. Dans ton lieu de service, il y en aura. Dans ton foyer, il y en aura. En famille, il y en aura. Dans le bus, dans le train en commun, il y en aura. Tu peux t'asseoir quelque part, quelqu'un entre subitement, vous avez été gifle. Il te piétine les pieds, il te regarde méchamment. En fait, que vous le vouliez ou pas dans le supermarché, quelqu'un peut passer, il vous bouscule, casse vos œufs. Alors que vous en avez fait les courses. Vous pouvez mettre votre enfant quelque part et quelqu'un passe, bouscule l'enfant tombe, il se casse les mains. En fait, des scandales, il y en aura. Jésus a prophétisé. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Ça veut dire, les scandales, il y en aura. Il dit, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Vous voyez cela? Ça veut dire qu'il y a des scandales, il y a un style de scandale qui est en train de dire que. La qualité de scandale, si quelqu'un le fait, ce sera grave pour lui. Puis il dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Là, si vous soulignez la phrase que s'il scandalisait un de ses petits, il dit donc, effectivement, il a de spécifier le style de scandale qu'il a de dire, effectivement, que si quelqu'un fait cela, ce serait été mieux pour lui, cette personne qui ne naisse pas. Je vais parler de la réconciliation sur le plan spirituel, normalement. C'est-à-dire que c'est ce que le Christ est venu faire pour nous. La mission de notre Seigneur, c'est la mission même de réconciliation entre l'homme et Dieu. Et dans Luc d'Éphésiens, je crois que vous avez, si vous avez le Bible, vous commencez à noter. Dans Luc d'Éphésiens, chapitre 2, la Bible nous dit là-bas qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches. Il est venu briser le mur de séparation qui séparait le peuple non-juif avec le peuple juif pour approcher des dieux. Parce que malgré que les juifs avaient les lois dans ses ordonnances, ils n'étaient pas réconciliés à Dieu. Parce qu'il était écrit que le juste vivra par la foi. Or, ils avaient les œuvres là-bas, ils ne parvenaient pas à vivre là-dessus. Et il était écrit que maudit soit quiconque ne pratiquait pas selon ce qu'il était. Or, la Bible déclare que s'il lui donnait une loi qui puisse procurer la vie, il n'aurait pas fallu mieux encore que cette alliance la quitte pour mais qu'il se devienne enceinte. Donc, ça veut dire que ces choses étaient seulement pour les garder là-bas comme exemple des lois spirituelles pour pouvoir vivre. Donc, en clair, eux-mêmes, ils n'étaient pas en règle avec le Seigneur, les Juifs. Ils n'étaient pas, enfin, dans la Bible nous montre clairement que tous les cas, Dieu venait les chercher chaque fois comme un petit enfant. Les taper souvent comme les femmes qui dérangent dans les foyers. Vous voyez juste ce qu'il dit maintenant que le divorce de vous, c'est terminé aujourd'hui. Donc, vous prenez le temps de lire le livre d'Osée, vous allez voir comment elle est traitée comme les prostituées dans Jérémie chapitre 16 et Ézéchiel 23, il les traite là-bas comme des prostituées. Alors ici, le verset 2, le Seigneur nous dit ici que il vaut mieux pour cet homme-là qu'on lui mette un moulin. Vous savez, lorsqu'il parle ici, ça veut dire que ceux qui sont ont fait dans la natation, ou bien si quelqu'un a été déjà étouffé de l'eau, il doit comprendre ce qu'il a de dire, la gravité d'ici. La force, la poussée d'Archimède veut que si on vous attache quelque chose, comme le tronc d'arbre ou n'importe quoi, on vous met dans l'eau là, ça va vous amener. On parle en anglais sink, on sait pas. Comment vous appelez ça en français? Sink, to sink. Vous savez, quand vous êtes dans l'eau et puis que vous êtes à l'intérieur, au fond, là, on parle de sink, to sink. Quand un bateau a chaviré, ils entrent dans l'eau, au fond, là, ils calent là-bas. On parle de sink. En français, comment on dit cela? C'est-à-dire. Sink sous-marin, s'enfoncer. Voilà, s'enfoncer. Immerger à l'intérieur. C'est quelqu'un qui s'est noyé à l'intérieur. Bon, là, la différence, c'est que quand quelqu'un se noie et qu'il est seul, après le corps sort, ça monte. Mais lorsqu'on attache un moulin, le moule, le gros moulin, un truc de fer sur toi, si tu meurs, tu cales en bas. C'est terrible, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut étouffer et puis il est mort là-bas. Alors, le Seigneur dit au verset 2, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetait dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. De quel petit parle-t-il ici? Selon vous. De quel petit? Qui est-ce qu'il appelle ici par petit? Les enfants de Dieu. Les enfants. Non. En fait, c'est pour ça qu'il a posé la question. Parce qu'il parlait subitement là des petits. Allons-y dans le livre de Marc. Nous sommes dans le livre de. Commencez à noter, hein. Marc au chapitre. Marc, le chapitre 9. Que Dieu vous bénisse, Canada. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais ce sera aussi fort que vous. Calme, ça va, c'est quoi? Marc, chapitre 9. Vous y êtes? Oui. Voilà. Regardez, je vais lire à partir du verset 38. Suivez attentivement. Verset 38. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Puis dit, qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Maintenant, écoutez très attentivement, maintenant, écoutez verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient. Vous voyez effectivement que si vous lisez la Bible et que vous vous tenez dans un seul endroit, vous aurez le problème, n'est-ce pas? Parce que dans le verset de Luc, chapitre 17, où nous étions tout à l'heure, verset 2, on a seulement le petit. Et là, on a compris que c'est un petit enfant dont il est en train de parler. Mais lorsqu'on lisons ici, nous comprenons de quoi il est en train de parler. Il dit ici, verset 42 encore de Marc, chapitre 9. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Donc, ici, on comprend effectivement que c'est le même sujet qui est abordé dans le livre de Luc. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, en clair, le Seigneur dit ici que, en fait, si quelqu'un scandalise un chrétien, c'est mieux pour lui. Vous voyez, quand vous voyez ces choses et que vous voyez ces choses établies dans la Bible, vous riez et vous avez pitié de quiconque vous maltraite. Quiconque. Oui, la Bible déclare qu'il est de la justice de Dieu dans le livre des Thessaloniciens, là, qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent. C'est ce que Dieu dit. C'est donc pour cela que dans ce livre de Romains, il dit ne vous vengez point, parce que le juge, c'est Dieu, n'est-ce pas? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En faisant de telles choses, c'est le charbon de feu. Donc, s'il est ton ennemi déjà, si quelqu'un mal parle contre toi, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit n'importe comment, n'importe qui dans l'univers, quand tu es chrétien, si tu fais du bien, on te rétribue avec le mal. Cette personne qui prend, continue à prendre ton bien, ouais, voilà pourquoi le monde va rendre beaucoup de comptes à Dieu. Parce qu'il est dans le son soleil, il insulte. Il donne la pluie, il insulte. Il donne la neige, il insulte. Il donne le l'eau à boire, il insulte. Il donne la nourriture en abondance, il insulte. La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Ils vont rendre de compte pourquoi ils ont mangé cette nourriture-là et n'ont pas glorifié Dieu comme créateur. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible déclare en Romains chapitre 1 là, en disant clairement que l'ayant connu que l'univers tout entier montre sa puissance. Ils sont donc inexcusables. Donc en fait, le Seigneur nous dit que malheur à quiconque va créer des scandales devant un chrétien. C'est terrible. Ça veut dire que nous devons chercher la réconciliation avec tous. Amen. Notez Hébreux chapitre 12, verset 15. Verset 14, particulièrement. Hébreux chapitre 12, verset 14. Notez cela. Notez le livre de Marc chapitre. On va lire tous ces versets-là tout à l'heure. Là, on va aller doucement pour en parler. Marc chapitre 11, verset 23 à 26. Notez, notez. Vous savez, quand le verset vient, ça, je vous les déverse pour après maintenant commencer à parcourir. Notez aussi, j'ai déjà dit Marc chapitre 11, verset 23 à 26, c'est ça? Vous avez noté Hébreux chapitre 12, verset 14. Maintenant, notez Colossiens chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3, les versets 12 à 16. On en arrive là. Versets 12 à 16. Notez le Matthieu chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 18 et suivant. Allons-y dans le livre des. Dans le livre des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Le livre 1 Corinthiens, chapitre 12. Que le Seigneur vous bénisse. Waouh, regarde comment c'est calme au Canada. La réconciliation. Notez aussi 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19 et 20. La réconciliation. Lorsque la Bible parle de la réconciliation, ça suppose qu'il y a un problème qui s'est trouvé quelque part. Et nous avons besoin de la réconciliation. Vous savez, lorsque vous êtes spirituel, vous saurez effectivement que si n'importe quoi vous arrive pour vous gripper, ou bien pour vous dégripper entre les mains du Seigneur, forcément l'ennemi se trouve derrière. Et il va utiliser les faiblesses, ou bien les actions, les zones qui sont faibles dans votre domaine. Il utilise les faiblesses pour frapper. C'est donc pour cela, Satan ne viendra jamais devant un être humain pour dire que fais telle chose. Non. Il utilise les faiblesses, les zones de faiblesse. Lorsque, par exemple, vous avez un époux non-croyant, c'est son père, il est à même de l'utiliser à tout moment contre vous. Lorsque vous avez un chef qui est franc-maçon, n'importe quoi, qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, puisque quelqu'un doit être gouverné par un esprit, à tout moment, et c'est là où on commence à comprendre vraiment la souveraineté de Dieu, à tout moment, ils utilisent ces gens-là pour nous terrasser. Notez 1 Timothée chapitre 6, les deux premières versions arrivent là. 1 Timothée chapitre 6, les deux premières versions. J'espère qu'on va s'en sortir aujourd'hui. Plus je parle, plus de versets ne font que venir. Alors, quand vous aurez des gens qui seront là pour vous, vous entendez, on dit dans l'expression française qu'il me met les bâtons dans les roues. Donc, il y a des gens seulement qui sont là, les casse-têtes, ce sont eux. Vous posez la question, pourquoi ces gens-ci se trouvent dans vos vies? D'autres personnes se plaignent en disant, je fais toujours de bien dans ma famille, je me rends compte toujours qu'on me retrouve par le mal. C'est normal. C'est un caractère que Dieu veut traiter en réalité. Si vous comprenez très attentivement les choses de Dieu et vous êtes attentif, vous allez rire de toutes ces choses-là. Vous allez vous comprendre, vous allez vous faire comprendre ce que le Saint-Esprit veut que vous enseignez, vous enseignez. Vous allez comprendre qu'en réalité, eux, ils n'y sont pas des problèmes. Dieu veut que tu comprennes que, en réalité, il n'y a personne sur qui il faut se relayer en tant qu'être humain sur la terre. Il a plusieurs façons d'enseigner cela. C'est-à-dire que ne fais pas confiance aux hommes. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai fait confiance à ma famille, ils m'ont déçu. Beaucoup de personnes sont en Europe, ils veulent investir en Europe, enfin, à l'extérieur. Ils envoient de l'argent au pays, les familles mangent, on le trompe. Quand tu viens, on te fait chou. Tu restes comme ça. Tu dis, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois que j'ai mis la croix. Bon, maintenant, Sur cette base-là, si on dit, ok, j'ai mis la croix, je ne veux plus parler avec eux, au-delà, vous voyez qu'il y a besoin de réconciliation. Parce qu'en réalité, c'est normal que le diable les utilise comme ça. On connaît son dessein. Son dessein, c'est de créer les zizanies entre les hommes pour que les hommes soient coupables devant Dieu. Eux, ils sont déjà jugés. Nous, nous avons besoin de réconciliation. Dieu nous aime. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il entre au milieu de nous pour nous foutre dans la merde, pour foutre le désordre au milieu de nous. C'est à nous donc. C'est pour ça que Christ, notre Seigneur, est venu montrer un exemple afin que nous suivions ses traces. C'est-à-dire que nous soyons des artisans de paix. Regardez toutes les intercessions dans lesquelles notre Seigneur a été retrouvé. Toutes les accusations. Prenons cet cas-là du jour de son jugement. La Bible déclare qu'on a soudoyé des gens pour qu'ils viennent se tenir là pour dire des faussetés par rapport à son procès. N'est-ce pas terrible ce genre d'être humain qui vient se tenir devant le Créateur pour dire on l'a entendu dire telle chose. On l'a entendu dire telle chose. N'est-ce pas terrible de voir des accusations injustes? Et on se tourne vers lui, on dit que ne vois-tu pas ce qu'il te dit, ne réponds-tu pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Ignore. Oui, ma soeur. Je me sens pas bien. On va Je prier sens maintenant, pas. toi. Mets la main sur ta poitrine. Mets la main sur ta poitrine. Mets la main sur ta poitrine. Mets la main droite sur ta poitrine. Maman. Ma poitrine. Et mets sur ta poitrine. Nous parlons de la réconciliation, d'accord? Mets seulement la main sur ta Oui. poitrine. Ne t'inquiète pas. Mets la main sur ta poitrine. Qui te touche, qui te touche, il sait de quoi il est question. Il ne sait pas pourquoi il a parlé, on parle de la réconciliation. Mets ta main, tout simplement. Mets la main, mets la main. Qui te touche, qui te touche, qui te touche, qui te touche. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père. Qui traite et travaille dans ton cœur, qui te touche, et que tout ton âme soit sous puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui te touche. Que, tu touches, que sa puissance parcourt tout ton corps. Que sa puissance parcourt tout ton corps. De la plante de tes pieds jusqu'à ta tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Qu'il te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te touche. Vous pouvez le voir à l'œuvre. Vous voyez effectivement que la distance n'est pas une barrière pour lui et rien ne le dérange. Sa parole court avec vitesse et sa parole est effectivement puissante. Qu'il te touche, qu'il te touche, qu'il te touche, qu'il te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Voilà, lâche sa poitrine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te commande de lâcher sa poitrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà. Voilà. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Vous voyez, voici un exemple des choses dont je crois qu'il faudrait mieux qu'on parle et on dissèque ça maintenant. Pour que vous voyez de quoi il est question. Vous voyez, dans ce cœur se trouve quelque chose tellement caché et enfui là-dedans. Est-ce qu'elle est réveillée là maintenant? Permettez-moi qu'il la touche, voir. Vous voyez comment ses mains se passent jusqu'au Canada. Jusqu'au Canada. Jusqu'au Canada. Jusqu'au Canada. Merci Père, tu connais sa maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'il faut qu'on vienne au Canada rapidement. Donc c'est fort de ce côté-là. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père pour tout ce que tu fais. Canada, nous arrivons. Nous arrivons. Nous Amen. arrivons. Amen. Canada, nous arrivons. Waouh. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Mes soeurs, je crois que ça court en vitesse au Canada. Je crois que c'est le Canada qui est appelé là. Je crois que ça vient du côté du Canada. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Père, tu es Dieu et ton nom est grand, glorieux et terrible. Seigneur, que tu as dit que toute ton œuvre t'est louée. Merci parce que, oh Dieu, et tu as dit que la terre est remplie de ta connaissance. Merci pour nos soeurs, pour tout cela donc, ô Dieu du Canada, que tu touches Et puis tout ce que tu touches partout dans le monde entier, à cette heure où les gens te cherchent, tu connais les soupirs de leur cœur. Tu connais les soupirs de leur âme. Seigneur, ta réconciliation les a réconciliés à toi. Oh Seigneur, que tous ces cœurs-là que tu as demandé qu'on cherche, que ces cœurs-là reviennent à toi et à toi seul. Qu'il n'y ait point de racines d'amertume dans ce cœur, ni de racines de péché dans ce cœur. Merci Père de gloire parce que tu t'es levé pour le Canada. Merci Père de gloire parce que tu t'es levé Père pour toucher tes enfants du côté du Canada. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci pour, ô Dieu, ton peuple. Tu as dit que tes yeux parcourent la terre pour voir tout ce dont le cœur est tout entier à toi. Et tu connais tous les hommes, ô Dieu, gloire, leur cœur est entre tes mains, car tu les as tous faits. Tu nous as tous faits, Seigneur. Merci pour ce peuple qui ne fait que te chercher, crie à toi jour et nuit, et désire, ô Dieu, de gloire, te plaire au milieu de cette génération pervertie et corrompue. Tu as ordonné que nous marchions, ô Dieu, de façon irrépréhensible et irréprochable. Et c'est le désir de notre âme, le désir de notre cœur de te plaire en cette génération-ci. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Père pour tout ce que tu fais. Maintenant, lâche ton cœur maintenant. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Lâche ton cœur. Lâche-la. Lâche son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Je te commande de lâcher son cœur. Lâche-la. Lâche. Lâche-la. Elle ne t'appartient pas, la partie au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche son cœur. Lâche son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus manipuler son cœur. Tu ne dois plus la manipuler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sors d'elle. Sodel, esprit de destruction, esprit de destruction, esprit de destruction, sors de son cœur, sors de son cœur, sors de son cœur, tu ne lui feras point du mal. Je te commande de sortir d'elle. Je te commande de sortir d'elle, sors d'elle. Il dit, tu ne dois pas la détruire. Sors d'elle doucement et sans lui faire du mal. Sors d'elle. Sors d'elle. Sans lui faire du mal. Sors d'elle. Sors d'elle. Elle est réconciliée au Seigneur Jésus. Tu n'as pas à toucher son corps. Sors d'elle. Sors d'elle. Non. Son corps ne t'appartient pas. Non. Je t'entends. Son corps ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas, je te dis. Non. Je dis, elle ne t'appartient pas. Tu sors d'elle. Elle ne t'appartient pas. Tu ne fais pas de son corps ce que tu veux. Elle ne t'appartient pas. Lâche-la. Maintenant. Allez. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, lâche-la. Elle ne t'appartient pas. Aujourd'hui a lieu sa délivrance et tu quittes son corps. Quitte son corps. Tu l'empêches chaque fois de suivre le Seigneur comme il se doit. Quitte son corps, quitte son corps. Quitte son corps. Allez. Quitte son corps. Maintenant, elle ne t'appartient pas. Maintenant, lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, pas. Pas. Allez. Lâche-la maintenant. Toi, vieux esprit de destruction. Vieux esprit de destruction. Elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir d'elle. Tu m'as suivi. Tu m'as entendu. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir d'elle maintenant. Tu ne peux plus rester. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Sa famille t'a adoré, ce n'est pas elle qui t'a adoré. Donc tu quittes son corps. Il dit bien, sa famille t'a adoré, elle n'a rien à voir avec toi. Tu quittes ça, tu la quittes. Il dit, sa famille t'a adoré, elle ne te servira pas. Tu peux te fâcher comme tu veux. Je t'ordonne de quitter sa vie. Tu lâches celle-ci et tu quittes sa famille. On te l'a consacré pour qu'elle te serve. Elle ne servira pas. Elle servira le Seigneur. Allez, quitte encore. Elle ne te servira pas. Celle-ci ne t'appartient pas. Donc, elle n'a pas fait alliance avec toi. Tu quittes son corps. Allez, tu quittes son corps. Je te commande de sortir. Sors. Sors. Allez, sors de. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Celle-ci ne te servira pas. Ton alliance avec elle est brisée. Tu la lâches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as entendu maintenant. Quitte là. Allez. Quitte. Allez. Tu quittes. Tu quittes. Tu m'as entendu. Tu as entendu cette voix. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de la quitter maintenant. Allez. Allez. Pars maintenant. Pars. Tu la lâches. Merci Seigneur. Amen. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Ma sœur Suzanne, bonsoir. Ma sœur Suzanne. Bonsoir mon frère. Ça va? Bonsoir mon frère. Je disais donc que les petits dont on parle dans la Bible, dans le livre de Luc, là où on est allé voir dans le livre de Marc au chapitre 9, verset 42, on a vu qu'il s'agit des petites personnes qui croient au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Donc personne ne peut les scandaliser. Et si on les scandalise, Amen. Le Seigneur est pour les défendre, n'est-ce pas, ma soeur Suzanne? Amen. Je crois qu'il faut prendre un verre d'eau en bois là. C'est la réconciliation. Vous savez, quand on fait la réconciliation, quand on fait la réconciliation, on fait des toasts, n'est-ce pas? Canada, nous arrivons. Ah, la soeur Karine a bu sans faire la toast. Voilà, elle a fait la toast maintenant. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, j'entends dans les cris. C'est disponible pour le Canada. Ma soeur, la soeur Suzanne, comment tu te sens? Je me sens vide, fatiguée, vide, vraiment, c'est comme quelque chose en train de sortir. Je ne sais pas comment dire ça. Explique-nous. Comme si j'étais. C'est comme si je suis comme secouée, secouée à l'intérieur de tout mon corps. Oui. Qu'est-ce qui a commencé à se passer dans ta poitrine au juste? Quand tu as commencé à parler, là, quand tu as à parler du verset Luc, là. J'ai senti quelque chose dans mon ventre, dit, mais c'est quoi ça? Je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi qui sens mal. Mais plus tu parlais, je sens quelque chose qui monte. Je ma respiration ne fait que monter, monter, monter fort. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Tu parles, je n'arrive même plus à me concentrer. Donc, je sens que j'étouffe. C'est là que j'ai dit, non, non, non, il faut que je t'arrête pour te dire, je ne peux pas bien. Il y a la réconciliation. Donc, tu ne fais pas partie des idoles de la famille, n'est-ce pas? Ça, c'est l'idole de la famille. Donc, là, quand tu me sens. Vous m'entendez là? Il faut que la connexion se stabilise là. Il faut que la connexion se stabilise afin qu'on t'entende bien. Oui. Voilà. Je suis tellement heureuse, mon frère. Maintenant. Est-ce que Karine, tu as des questions à lui poser avant qu'on ne continue? C'est la réconciliation, c'est la soirée de la réconciliation. Là, je tremblote comme quelqu'un qui a la fièvre, là. Oui. Ah, j'ai une question, je suis émerveillée. La soeur de la Roche. Oui, la sœur de la rose. Je vous ai dit, il a dit, voici le sujet, qu'il y a quelque chose sur le cœur qu'il veut qu'on en parle. Je ne sais pas pourquoi il est en train de parler. La sœur de la roche, as-tu des questions à poser là? Non, frère, c'est juste. Comment dire, je suis en même temps très contente pour elle parce que je la connais et puis je sais ce par quoi elle passe depuis là. Et elle attend ça et le Seigneur l'a visitée. C'est vraiment merveilleux, frère. Que le Seigneur vous bénisse au Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Amen. vous faites les choses entre vous, sauf moi, ceux qui ne connaissent pas avec Dieu. Je ne connais pas. Donc, remercions dans le Seigneur. Mais Oui. sœur Suzanne, tu confirmes que tu avais quelque chose de lourd dans le cœur, n'est-ce pas? En fait, je ne sais pas s'il y avait quelque chose de lourd dans le cœur, parce que je sais que le Seigneur a beaucoup travaillé aussi dans mon cœur, parce que dans ma famille, je suis comme rejetée. Avec ma mère, mes relations, la relation avec ma mère n'est pas du tout bonne. Je suis presque rejetée. Donc, ma famille, c'est vraiment maintenant mes frères et sœurs, quoi. Vous, mes frères et sœurs, parce que même mes frères et sœurs, j'ai comme l'impression que je n'ai pas d'importance pour eux. C'est comme une relation qu'on entretient Amen. juste pour entretenir, mais il n'y a plus ce lien filial-là entre nous. Donc, je me sentais tellement mal, mal, mal, mal. Et vraiment, je voulais que le Seigneur garde mon cœur par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Il y a de cela quelques mois, à part, quand j'ai connu le frère Junior, c'est le Seigneur qui m'y a conduit. Et la première fois quand on a commencé à faire le jeûne, c'était pour les maris inconvertis. Le premier jour, j'ai commencé à vomir de la mousse. Depuis jusqu'à peut-être hier encore, je vomissais de la mousse. Ça fait presque 9 mois, depuis le mois de mars. Je me demandais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et vraiment, j'avais aussi un problème à la main droite, parce qu'un jour j'ai rêvé en 2016. Je pense que c'était même pas 2016, c'était peut-être 2017, c'est début 2017, quand je commençais vraiment à rechercher le Seigneur. J'ai rêvé que le chien m'a mordu à la main. Et c'était l'une des choses qui m'a fait. En fait, un jour j'écoutais les enseignements du frère Junior. J'étais tellement émerveillée par ses enseignements, ça venait répondre à tous mes besoins, mais je ne voulais pas le contacter. Le Seigneur m'a parlé audiblement, si tu veux ta délivrance, contacte-le. Il m'a parlé comme ça 2 fois. Et j'ai résisté. Le lendemain, je pense que j'écoutais un enseignement sur les songes. Ah là là, c'est comme si c'est là que j'ai eu ma vraie nouvelle naissance, le message sur les songes. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, parce que j'ai vu tout mon parcours, comment, quand j'ai cherché le Seigneur, je suis quittée. Ben, pas, je n'ai pas fait des. Je n'ai pas fréquenté des églises, mais je suis allée. Moi, c'était sur Internet que j'ai connu le Seigneur. Et j'ai connu tellement de choses sur Internet, donc de prédicateur à prédicateur. Donc, à un moment donné, j'avais tellement peur, je ne voulais plus. Mais le Seigneur m'a dit, contacte-le. Donc, quand j'écoutais la prédication sur les songes, quand le frère a dit qu'on a eu des songes mensongers, tout ça, ah là là, c'était comme une révélation pour moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré de toutes mes larmes. J'ai demandé pardon à Dieu. Et c'est là que j'ai ressenti, quand j'ai fait ça, j'ai ressenti comme une paix en moi. Et le lendemain, je contactais le frère. Et comme l'être humain est souvent patient, moi, dans ma tête, il fallait que je contacte le frère, je tombe sur le frère, je suis tombée sur la sœur Grâce. Et la sœur Grâce m'a parlé du groupe sur WhatsApp. Au début, j'étais dessus. Après, j'ai compris que c'est le Seigneur qui voulait orienter les choses comme ça. Et je comprends qu'il voulait orienter comme ça parce que il a fallu que je sois nettoyée. Parce que pendant tout le processus là, de mars jusqu'à aujourd'hui, il y a un grand nettoyage qui a été fait. Un très grand nettoyage qui a été fait dans ma vie. Franchement, juste en écoutant les enseignements, en écoutant les enseignements, le Seigneur a nettoyé, il a nettoyé, je n'en revenais pas. Et j'ai compris que si le frère m'avait délivré, si le Seigneur m'avait délivré au début là, je ne serais pas ici avec vous. Donc, c'est tout ce processus-là qui a permis que je comprenne vraiment c'est quoi le message, que je suis vraiment dans la vérité. Et je bénis le Seigneur parce que, comme ma sœur de la Roche disait là, ces derniers temps-ci là, je sentais une oppression. Ma main devenait de plus en plus froide. Et c'était la main droite, comme je disais, en mars. Pas en mars, c'était en début de l'année 2017. Au mois de février, comme ça, entre janvier et février, j'ai rêvé qu'un chien noir m'a mordu la main droite. Et depuis ce moment-là, la main a été froide. Elle était froide. Et quand je dis elle était froide, c'est comme si tout mon côté droit était froid. Comme si c'était la mort que j'avais à la main. C'était froid. Et ces derniers temps-ci, c'est comme si ça venait encore m'oppresser. C'était froid. Un jour, je causais avec une collègue, je la saluais. Elle me dit, mais pourquoi tu es froide comme ça? Et depuis ce jour-là, je n'aime plus saluer les gens. Même moi, quand je mettais ma main sur mon corps, je sentais le froid. Je me couchais, je sentais le froid. Donc, j'avais comme un côté mort, un autre côté vivant. Je me posais la question, Seigneur, c'est quoi? Mais en même temps, je disais, en ton temps, Seigneur, en ton temps. Donc, quand le jeune si, le Seigneur a proclamé ce jeûne-ci-là, alors là, j'ai dit, Seigneur, je veux ma délivrance. Je veux la délivrance de ma famille. Et je suis tellement émerveillée, je ne sais même pas quoi dire au Seigneur. Juste lui dire merci. Merci parce qu'il me témoigne de son amour. Et que toute la je veux seulement le servir. Que toute la gloire lui revienne. Voilà, c'est carré. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Toute la gloire. Vous voyez, effectivement, la Bible est vraie qui dit que si on le cherche, il va se laisser trouver. Lorsqu'on prie, il écoute. Lorsqu'on prie, il écoute, n'est-ce pas, ma chère? Oui, Amen. Alors, lorsqu'on a commencé à prier jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Je crois que la sœur Karine, elle a les questions. Sinon, elle va te poser ça par derrière. Quand tu as commencé à prier, effectivement, tu as dit, mets la main dans la poitrine. Parce que je ressentais l'oppression. C'est comme quelque chose était sur la poitrine, vraiment là. Et plus tu priais, plus je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Ben, je bougeais, en fait, je tremblotais. Et plus tu priais maintenant, je me voyais en train de grogner comme, je sais pas si c'était quelle, je sais pas, moi, c'est toi qui en même temps me dis vraiment c'est qui était là, quoi. Mais c'est la panthère, ça c'est une panthère, on appelle ça puma. Voilà, c'était comme un lion, je voulais dire c'était comme un lion. C'est le puma, c'est pas le lion, c'est le puma, d'accord? Il ne veut pas seulement faire fuir, il veut pas seulement faire fuir la sœur de la roche. Elle pouvait couper son WhatsApp, son Skype là, elle dit que non, il veut pas que ça sorte, ça vient chez elle. Ok. Non, c'était la panthère. Donc je crois que lorsque nous allons venir au Canada par la grâce de Dieu, je vais te parler de ta famille. Il y a une idole qui est servie par cette chose, par cet esprit-ci dans la famille, et tu t'es soustrait de cela, pas de la bonne façon. Vous voyez pourquoi il dit, pour les gens qui ont été dans les familles africaines bizarres là, pour venir au Seigneur, chercher la délivrance, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est lorsque vous allez commencer à vouloir aller dans la lumière, que Satan va vous montrer que vous lui appartenez, qu'il a le droit sur vous. Le Seigneur, jusqu'à quitter le monde, il a dit qu'il n'y a rien de lui en moi. Donc, il n'y a rien à me le demander. Vous voyez, donc, c'est dans la famille. Cette chose-ci, c'est dans la famille. Donc, voilà pourquoi il a tourné le cœur des familles contre toi comme ça. Vous voyez ce qu'on a parlé des réconciliations. Ce n'est pas eux le problème. C'est que Satan les utilise contre vous. Vous ne savez pas pourquoi le Seigneur me poussait à comprendre cette réconciliation comme ça. Et vous voyez effectivement que si vous commencez à vouloir dire que non, il faut que je prie les prières de feu pour pouvoir délivrer, ça n'a rien à voir avec ces choses-ci. C'est Dieu qui organise sa chose, il fait comment il va faire. Oui, ma soeur. Et puis quand ça a commencé à peser, comment c'est arrivé? Quand tu grognais, tu grondais qui alors? Je sens que c'était toi. c'était comme, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Je sais pas. Mais c'est que, à l'intérieur de moi, je me sentais moi là. Mais je sais que c'était, je sais pas comment expliquer ça. À l'intérieur de moi, je disais, Seigneur, merci, merci. Donc, c'était comme deux personnes qui agissaient. Pas comme donc, si c'est en réalité, c'est comme ça. C'est comme ça, en réalité, c'est comme ça. Tu entends que tu te poses toi-même la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je fais comme ça à l'intérieur? Oui. Oui. Canada, nous arrivons. Canada, nous arrivons. Amen. Préparez-vous. Amen. Restez seulement dans la prière pour nous, pour que le Seigneur ouvre les voies. Nous arrivons. Nous arrivons. D'accord? C'est fini les achats des miracles. C'est fini les monnayages des miracles. Le Seigneur donne gratuitement. Gratuitement. C'est fini tout. Amen, ça. Amen. Je crois que vous ne serez plus jamais dans la confusion. Vous ne serez plus jamais dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. La réconciliation. Canada dans la sainteté. Bonne soirée. Amen. Merci. Donc, la prochaine fois, nous allons continuer ça. Donc, je crois que la mission est terminée pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Amen. Je vous laisse écouter ceci, d'accord? Je vous laisse écouter. Vous écoutez ceci doucement. Doucement, d'accord? Merci. Merci. Écoutez. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni. Nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris des moqueurs qui implorent ta bienveillance. Fais tourner mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au renvoi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Paix de notre Seigneur vous soit donnée, que sa présence, amen. Que sa présence demeure dans la maison, qu'il vous couvre vous et la famille et qu'il veille sur vous tout au long de cette semaine-ci et qu'il vous conduise toujours dans le jeûne, qu'il protège, qu'il se révèle à vous davantage. Que Dieu vous bénisse, Canada dans la sainteté. Bonne soirée, bonne nuit, bonne nuit au Canada. Amen. Frère Junior, oui, ma soeur, je suis avec toi. Je voulais te demander si c'est possible d'ajouter la soeur Diane à Paris, là, dans le groupe de Paris. Oui, si elle demande, on va l'ajouter, d'accord? C'est parce qu'elle ne sait pas. Si je lui dis qu'il y a un groupe comme ça, je pense qu'elle va vouloir intégrer parce qu'elle est très seule. Elle est vraiment combattue par toute sa belle famille. Quoi. Tu sais qu'elle a 5 enfants là-bas, toute seule à Paris. Oui, et ben, dans ce cas, dis-lui donc d'envoyer son truc. On la jeûne, d'accord, ma soeur? Ça marche, ok. Que merci. Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Je vous aime. Bonne nuit, bye. Coupé, coupé, Bye, coupé, Master. coupé, Bye, Sir Suzanne. Bye, Sir de coupé, la Roche. coupé. Bye. Bye, bye. Occupez-vous de votre mari, de votre foyer. Amen, frère. Voilà. Bonne nuit.